Les des médias. Jusqu'au 24 décembre, faites le 1-866-908-9090 ou apportez vos denrées non périssables chez Jean Coutu, Provigo Maxilloblase. Donnez, les besoins sont grands. Bienvenue à une autre édition de Web Musique. Vous êtes en compagnie de Simon Roy pour la prochaine heure. Grosse journée de neige aujourd'hui. J'espère que vous avez fini de pelleter et que vous n'êtes pas encore sur la route. C'est vraiment pas beau. J'ai dû me déplacer en taxi. Le taxi est resté pris, donc je suis venu à vraiment tout prix. Pour vous présenter, comme à l'habitude, un peu de musique en téléchargement gratuit, vous avez juste à vous rendre au www.webmusique.ca. Vous allez pouvoir consulter la playlist et télécharger absolument toutes les pièces entendues à l'émission. On va débuter avec le Steinregen Dub System qui est publié sur l'étiquette française Libre comme l'air. Je vous fais entendre la pièce NDL Recycled. C'est un remix par Ras Tilo. Ensuite de ça, sur l'étiquette Inoquo, je vous fais entendre Hermetico avec sa pièce Warm Up. Donc, c'est ça. On débute Web Music avec ces deux pièces-là. Pesa się cudoko nie wedworze, wedworze. Jak się z nim ma żadnej orze, ne orze. Ci się by to boli, moje, moje su. Ty mnie za mumilu odnesu. Ty mnie za mumilu odnesu. U potoka sala plakala, plakala. Jezu, Jezu Maria, volala, volala. Jezu, Jezu Maria, Kriste pane. Bude-li to chlapec nebo ne? Bude-li to chlapec nebo ne? Bude to chlapec, bude čert, bude šec. Bude robit čižmy na tanec, na tanec. Bude li to děvča, Maria, Maria. Bude to frajárka, a kdo jsou já. Bude to frajárka, a kdo jsou já. Potom to kasála, plakala, plakala. Jezu, Jezu, Maria, volala, volala. Jezu, Jezu, Maria, Kriste, pane. Bude li to chlapec, nebo ne. Bude li to chlapec, nebo ne. We'll be right back. Une excellente pièce de Hermetico avec sa pièce donc intitulée Warm Up. C'était sur l'étiquette espagnole Inocuo. Avant ça, on débutait Web Music avec un collectif de la ville de Fribourg en Allemagne. C'était le Steinregen Dub System, donc assez spécial. Un sound system qui mélange instruments traditionnels et musique électronique. C'était leur pièce Andiel Recycled. C'était remixé par Ras Tilo. C'était ça publié sur l'étiquette Libre comme l'air. On va se déplacer du côté de la République tchèque avec Raydex qui publie sur l'étiquette Pickpack. Je vous fais entendre la pièce Bikos. Ensuite de ça, c'est Handful Stop qui s'écrit AND avec un point à la fin. C'est sa pièce Chicken Soup. C'est sur l'étiquette Enough Records. Vous êtes toujours à l'antenne de CKRL 89,1. Vous êtes à l'émission Web Musique. Donc, on vient d'entendre deux pièces à tendance chiptune. On vient tout juste d'entendre la pièce Chicken Soup par N Full Stop. C'était sur l'étiquette Enough Records. Avant ça, de la République tchèque, c'était Raydex avec sa pièce Because. C'était donc ça sur l'étiquette Pickpack. On va entendre maintenant Blibvert avec la pièce Witch's Way. C'est sur l'étiquette D-Trash Records. D-Trash qui a énormément de musique disponible en téléchargement gratuit. Beaucoup dans les styles électroniques assez brutaux d'habitude. Blibvert, c'est quand même pas si pire. Ensuite de ça, sur l'étiquette française Vatican Records, on va entendre AL57 avec sa pièce SSN. Thank you. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% à chaque fois que vous faites un achat au Poble d'Orsay au 65 rue de Buade. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Le 25 décembre, le nouveau Loto 649 fera un super tirage de 5 fois 1 million garanti en plus du gros lot annoncé. Alors, attention à ce que vous promettez, parce qu'à Noël, il y aura 5 billets gagnants d'un million, c'est garanti. Vous ne savez pas quoi faire dans la nuit du 24 décembre ou vous cherchez une bonne émission radiophonique pour accompagner vos célébrations? L'animateur Éric Dussault vous accompagnera dès 21h. La musique diffusée devrait satisfaire vos goûts, peu importe votre nationalité. À cette occasion, vous pourrez saluer vos proches et leur faire part de vos souhaits de Noël. Des cadeaux seront attribués aux auditeurs qui se manifesteront auprès de l'animateur, que ce soit par téléphone ou par courriel. Alors, vous avez noté? La veillée de Noël de CKRL débutera dès 21h. Je sentais le besoin que Bec de Lièvre dise, nomme clairement l'amour qu'elle a pour Carmen. Cherche l'éclaircie, le bon moment. Cherche l'arc-en-ciel, le firmament. Elle se découvre un certain talent, une importance, une place dans la vie. C'est d'être auprès de Carmen. Évelyne Gélina et René Richard Cyr me parlent du chant de Sainte-Carmen de la Maine à Sentier Secret, mardi 7 janvier, à 10h. Yeah! Futur Somme, c'est quoi? C'est un magazine de culture scientifique où l'on conjugue la science au présent. Où participent les chroniqueurs et les invités qui nous informent sur la science et ses mystères. Futur Simple, depuis 1997, c'est plus que parfait. Futur Simple, à l'antenne de CKRL, à l'indicatif 89.1 sur la bande FM. Futur Simple, conditionnel à votre présence tous les jeudis soirs. Avec François Grégoire et Valérie Levé. On vous attend jeudi prochain, c'est impératif. CKRL. De retour à Web Music, on va aborder la dernière demi-heure de l'émission. Tout juste avant la pause, c'était AL57 avec la pièce SSN. C'était sur l'étiquette française Vatican Records. Avant ça, c'était Blip Vert avec la pièce Witches. Oui, vraiment excellent comme pièce. C'était ça sur l'étiquette D-Trash Records. On poursuit avec un truc publié sur Liquid Seed Recordings. C'est un artiste qui nous vient de Londres. C'est Atman Construct. Je vais vous faire entendre sa pièce Parallax View. Ensuite de ça, de Moscou, c'est Nick Snake F qui est publié sur l'étiquette Kota 303. Je vous fais entendre la pièce History About the Boy and the Girl. Donc, on écoute tout de suite Atman Construct à Web Music. You know that it's very simple, is that when you mistake an apparent move, you look at an object, it appears that the object itself moves or changes, but in reality it's just that because your perspective shifts, no? Your shift in your subjective position is 3-5, you perceive it as move in the object. But of course, then I add another twist, that what it is in the object in a way. Developed it in a nice ironic way. The ultimate form of belief for him is deconstructionism. Une excellente pièce de Glitchtronica, c'était donc d'un artiste de Moscou du nom de Nick Snake F. C'était sa pièce History About the Boy and the Girl. C'était sur l'étiquette de Kota 303. Avant ça, de Londres, c'était Atman Construct avec sa pièce Parallax View. Ça, c'était sur l'étiquette Liquid Seed Recordings. On poursuit avec Bath Aid. Sa pièce s'intitule Statement. C'est sur l'étiquette 4 mg Records. Ensuite de ça, sur Enough Records, c'est Shoes au Sen avec la pièce The Walker. Shut it down. Cette superbe pièce nous venait de la ville de Madrid en Espagne. C'est Shujosen avec la pièce de Walker. C'était sur l'étiquette Enough Records. Avant ça, c'était Bath Aid avec la pièce Statement sur l'étiquette 4 Milligram Records. On poursuit avec un artiste sous l'étiquette Bad Panda Records. On va entendre Jauge avec sa pièce Be Free, Jauge qui nous vient de l'Angleterre. Be C'était la pièce Be Free par Jauge, un artiste de l'Angleterre. C'était sur l'étiquette Bad Panda Records. Ça va déjà être tout pour Web Musique. Donc, je vous recommande de vous rendre sur le site de l'émission www.webmusique.ca. Vous allez pouvoir télécharger absolument toutes les pièces entendues à l'émission. Vous pouvez même télécharger les albums au complet. On va se quitter sur une dernière pièce. Avant, je vais vous dire donc c'est Cabaret Diaspora avec Jean-Baptiste Hervé qui suit tout de suite après. Nous, on se quitte sur une pièce de l'Italien Massimo Ruberti avec sa pièce Sabotage. C'est publié sur l'étiquette No Stress Net Label. Puis donc c'est ça, on se quitte là-dessus. On se donne rendez-vous la semaine prochaine à compter de 20h pour notre émission de Web Musique. Téléchargez Web Musique sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. CKRL HD, une radio haute décibels. Bomb. Leatherette. 89. CKRL. J'ai froid et je ne trouve plus la boutique Alpaca. Ils sont déménagés au 669 rue Saint-Jean. Ils ont toujours les mêmes belles choses, chaudes et douces. Et plus encore, et en plus, elle est plus chaude et douce que jamais. Bon, j'irai tout de suite. 669 rue Saint-Jean. C'est bien ça, 669 rue Saint-Jean, entre Sainte-Geneviève et Sainte-Marie. 418-522-2720 ou visitez notre site web www.alpaca.com. Dans le quartier Saint-Roch, il y a un salon de dégustation Station. Où l'on sert la bière de différentes façons. On y trouve même un random. Check it out. Alors là, j'imagine. Tu veux savoir ce qu'est un random? Quoi? Non merci? Random. Tant pis. Voici une histoire de Noël dont vous êtes le héros. Au son des grelots, ajustez la balance de votre radio à droite ou à gauche pour en choisir la fin. Après avoir fêté allègrement, vous désirez rentrer à la maison en sécurité.